entre les deux, ma vie balance. Amour ou liberté, je dois saisir ma chance. Mais jusqu'à ce jour, je n'ai rien décidé. Je suis ici parce que tu m'aimes. J'oublie où je suis né. J'avais prise de vivre sans m'attacher.